Il commença à faire sombre et Olga tournait dans sa maison, seule, rongée par des obsessions familières, incapable de libérer son esprit. Elle avait une horreur particulière de ces moments où la réalité, dans toute sa foisonnante laideur, semblable à une maladie, prenait le pas sur ses élans, où elle ressentait la validité de ses actions et de ses désirs face au poids dogmatique et sans appel de tout ce qui était déjà fait, de tout ce qui avait échoué, de tout ce qui était trop tard. Ces dernières semaines, elle était la proie de réminiscences intempestives, d'une précision troublante, toutes concernant l'enfance de Nils. Tout semblait miraculeusement frais et pur dans ses souvenirs. Son corps était jeune et souple, Nils éclaira, riait sans cesse et l'appelait maman à tout bout de champ. Il y avait même dans l'air un parfum différent, un parfum du passé qu'on cherche et qu'on croit retrouver, mais qui s'échappe toujours. Elle se souvenait des 40 ans de Gauthier. Nils portait un costume bleu, il était si beau, avec ses cheveux presque blancs, sa peau dorée et ses yeux bleus. Olga était si fière de lui, si fascinée par sa beauté. Il l'avait aidé à préparer le repas, ils avaient bavardé toute la journée. Quel âge pouvait-il avoir? 8 ans? Il voulait tout connaître, tout apprendre, et il pensait qu'Olga savait tout. Et puis, quelques années plus tard, cette décadence, brutale et sans appel, comme un accident tragique. Quelques minutes d'inattention, une toute petite imprudence, et tout était fini. Il se murait dans le silence, et ne lui adresserait plus qu'un visage fermé. Olga frissonna et regarda autour d'elle. Les tableaux, les draperies qu'elle avait elle-même choisies la remplissaient de nausées. Leur immobilité absurde, leur solitude irréparable se transformaient en insultes. C'était ce décor qui était témoin jour après jour de ses lents, de ses inexorables naufrages. Le mutisme de Nils qui asphyxiait sa vie, la sottise de Clara, la circularité infernale de son univers où elle était une force sans raison qui ne se puisait qu'en elle-même et menaçait de loin en loin de se résorber. Elle se rendait compte qu'elle ne pouvait pas rester ainsi dans la pénombre à arpenter ce lieu qu'elle connaissait à en être écœurée. Elle savait qu'il était inutile de penser, qu'aucune lumière ne jaillirait de ses réflexions, que les situations étaient sales, envenimées, comme des plaies qu'on ne peut plus guérir, et qu'on s'applique seulement à cacher derrière la blancheur du linge. Gauthier allait peut-être arriver, allumer les lumières, remplir le silence. Mais elle ne pouvait supporter le spectacle de ce pourrissement une seconde de plus. Elle se dirigea vers la cuisine et prépara compulsivement du café. Les gestes qu'il fallait faire lui réinjectèrent un peu de sens, et quand il fallut s'asseoir et attendre, elle resta quelques minutes suspendue à l'événement qu'elle avait provoqué et qui allait éclore. Le bruit du café, d'une simplicité étrange, remit brusquement tout en place. La maison cessa de peser sur elle, et ses pensées se détachèrent d'elle comme un essaim de parasites immondes, miraculeusement déviés. Depuis toujours, depuis l'enfance, il y avait eu ce bruit pour conjurer le sort, les sanglots, la faiblesse. Elle se souvenait de lui, au jour de la mort de son père, lorsque le désespoir silencieux s'était abattu sur le temps et sur l'espace. Pour la première fois, ce jour-là, ce bruit l'avait sauvée.